Petite chanson de la Bible. De Doura, on pense aux écoles de Rome. Il était des pays comptés de vétusses histoires. Sur des rouleaux bibliques, était-ce Bible des rois au temple de Judée qui disant de l'exode le baptême authentique comptait de Canaan. Terre des miracles, le déluge Abraham et Moïse, tel l'âge de Noé. Songe de Némie aux pensées d'Éphraïm du désert. De Syrie au désert.